questions, il y en a beaucoup. Je vais avoir une réponse aux questions. Je me sens étouffé par l'accumulation incessante d'objets utiles au cas où. Pourquoi cristalliser tant de formes? Quand viendra le moment où l'intelligence n'aura plus besoin de cristalliser ses formes? Et que faut-il à l'homme pour que le processus de matérialisation et de dématérialisation soit possible? Pourquoi ce sentiment d'étouffement se manifeste-t-il maintenant chez moi? OK, on va recommencer une question à la fois. Oui, je commence une question à la fois. Je me sens étouffé par l'accumulation de ce centre d'objets utiles au cas où. Pourquoi cristalliser tant de formes? Pourquoi on garde tout ça, ces objets-là? Bon, premièrement, il faut qu'on fasse une nuance entre ce qui peut être utile du point de vue du mental, du point de vue de la logistique, et ce qui sécurise l'ego, le prénom. Tout ce qui sécurise l'ego doit faire partie des premières choses à éliminer. Ce qu'on élimine les objets, ce qu'on élimine le besoin qu'a l'ego de les posséder. Mais on ne peut jamais éliminer ce genre de choses d'une façon radicale parce que l'ego va trop en souffrir. Alors, il y a plusieurs personnes qui, de temps en temps, s'essayent comme ça. Et après une semaine ou deux ou trois, eh bien là, ils commencent à se sentir mal, à regretter, etc. Alors, c'est une transformation qu'on doit faire graduellement. Le reste, accumuler des choses mentalement, logiquement, au cas où, exactement comme avoir une route de secours dans son automobile, simplement intelligent. Et la majorité des choses qu'on accumule intelligemment au cas où font souvent en sorte que du point de vue de la manipulation, on n'aura pas à vivre les situations qui devront être surmontées par ce qu'on a accumulé. Autrement dit, l'astral, ainsi qu'intelligence, étant suffisamment pas chien, c'est pire que ça, parce que les chiens, quand même, c'est le meilleur ami de l'homme. Pas l'intelligence, c'est pas le meilleur ami de l'homme. Ni l'astral, ni les dieux. Normalement, on aura à vivre comme situation de vie des situations qui n'ont pas été prévues. Alors, évidemment, accumuler un paquet de choses pour au cas où nous permet, premièrement, de ne pas vivre ces situations. Mais nous obligera à un moment donné à vivre des situations où on n'a pas prévu. Et étant donné aussi que lorsque la puissance mentale de l'homme a été suffisamment développée, il y a énormément de situations typiquement astrales qui n'arriveront pas, même si on n'a pas les choses au cas où. Mais l'ego ne sachant pas, l'ego va continuer à conserver autour de lui les choses qui ne servent plus et qui ne serviront même pas au cas où, ou qu'on retrouvera ou qu'on aura toujours si on en a besoin. Simplement parce que l'ego étant l'animal humain, le prénom, et que le prénom a été construit à partir de la phase infantile, où vous étiez petit, où vous ne connaissiez rien, où on devait tout vous dire. L'ego est un être médiocre, et même si le mental est suffisamment maintenant puissant pour nous éviter des conneries, eh bien, étant donné que l'ego est un être médiocre, ne sachant pas et refusant que le mental est capable de le libérer, il voudra conserver les choses qu'il n'a plus besoin, prétextant le fait qu'il ne doit pas se prendre pour quelqu'un d'autre. C'est ça inconsciemment. Alors, à un moment donné, on a toujours chez soi 3-4 extincteurs, 2-3 détecteurs de fumée, et à un moment donné, on déménage dans une maison où tous les matériaux de construction sont absolument... ne peuvent pas brûler. La table ne brûle pas, les nappes ne brûlent pas, rien ne brûle, le tapis ne brûle pas, rien ne brûle. Même pas vos draps, vous pouvez fumer au lit. Alors, mentalement, on n'a plus besoin des extincteurs. Mais l'ego va les conserver, va les accrocher pareil. C'est ça qui est le problème. Quand le mental a réglé le problème, on ne peut plus le vivre. On ne peut pas vivre une situation qui nécessiterait ces choses. L'ego va continuer. C'est donc de l'insécurité. Cela est relié au médiocrisme de l'ego. Et l'ego se croit médiocre. Et comment on arrive à s'en sortir? Eh bien, on se débarrasse d'une chose de temps en temps. Pas tout en même temps, parce qu'on risque d'en avoir besoin rapidement. Tu comprends bien? Oui. Si l'ego n'est pas prêt, il va nous prouver qu'on a fait une connerie sans débarrasser. Justement, la semaine où tu t'en es défaite, on avait eu besoin. Ce qui arrive souvent, oui. Quand viendra le moment où l'intelligence n'aura plus besoin de cristalliser ses formes? Bon, ça va venir quand l'intelligence aura eu la faculté de se fusionner vibratoirement avec la matière, avec la forme. Ça va venir lorsque l'intelligence supramentale sera devenue le maître contrôleur total du corps physique, qui présentement est habité par un virus que j'appelle l'âme, ou est habité par une identification donné par Dieu, que l'homme appelle l'âme. Lorsque l'intelligence sera totalement baignée dans la matière, lorsque la matière sera devenue lumière, donc intelligence, lorsque l'homme, la femme et l'enfant, lorsque le corps physique sera un véhicule qui n'exprimera plus le passé ou la mémoire, les désirs et l'émotion, mais qui n'exprimera plus que l'instantané et le savoir, donc intelligence, alors il y aura une fusion entre le corps de l'homme et son double éthérique, double qui sera constitué uniquement d'énergie supramentale placée dans un monde de transition entre la vie et la mort, un plan qu'on appelle le plan Moronciel. Lorsque cela sera fait, l'homme aura un corps qu'on dit de lumière. Ce corps sera un corps éthérifié, alors il aura la faculté de le dématérialiser, de le matérialiser, de le dédoubler, de le pluraliser, de le changer, de le rajeunir, de le vieillir. Il sera ce vivre avec la matière, donc aussi avec ce corps-là. Maintenant, l'être humain peut, par inadvertance, faire de la télékinésie, bouger les objets de distance, faire de la métagnomie, faire du cumberlandisme, faire différents phénomènes parapsychologiques. Lorsque l'homme nouveau, la femme nouvelle ou l'enfant nouveau, lorsque l'homme fusionné, a totalement accompli sa fusion, il ne fait pas de la télékinésie. Premièrement, il ne mange plus. Il a le corps qu'il veut. La majorité de ce que l'être humain voudrait faire, il n'a même pas besoin de faire. Télékinésie veut dire mouvement d'objets à distance, mais ce n'est pas nécessaire pour lui, il n'a plus besoin de rien. Lévitation, c'est de l'auto-télékinésie, donc c'est toi que tu déplaces. Tu es à l'endroit où tu veux être, tu n'as plus besoin de te déplacer pour y aller. Et il y a un paquet de phénomènes dans le genre que l'être humain n'aura plus besoin de faire. Autrement dit, une grande partie de la recherche parapsychologique de l'homme est une recherche de l'ego, et les résultats ne servent que l'homme ou l'ego de l'homme, mais ça ne servira jamais à l'homme nouveau. Pourquoi? Parce que ce sont des symptômes extrêmement secondaires de la mutation, donc de l'évolution, mais ce ne sont pas une finalité en tant que telle. Que faut-il à l'homme pour que le processus de matérialisation et de dématérialisation soit possible? Il faut que l'homme cesse d'exister. Autrement dit, il faut que l'homme devienne ce que l'homme, que l'ego appelle Dieu. Il faut que l'homme devienne un être de lumière, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme devienne un être. Il faut que l'être soit totalement matériellement matérialisable, densifiable, avec une intentionnalité qui ne provient pas de l'ego, donc des désirs, une intentionnalité qui n'est pas manipulée par la gestion des événements du monde planétaire. Et donc, il faut que l'être humain ait une conscience supramentale, une conscience suffisamment supramentale terrestrifiée, donc dans un corps physique. Alors, il pourra augmenter le potentiel atomique vibratoire de la matière sans risquer de fusion ou de fission nucléaire. Il aura un contrôle sur la matière. Pourquoi ce sentiment d'étouffement se manifeste-t-il maintenant chez moi? Simplement, comme tout à l'heure j'expliquais, lorsque l'individu vit une phase d'évolution, son rectificateur de pensée, l'ajusteur de pensée, va lui faire voir des choses neuves. Et ces choses neuves-là vont engendrer des désirs neufs dans l'ego, désirs que l'ego ne pourra jamais assouvir parce que ce sont des phénomènes de perception mentale ou supramentale, ajustés par l'ajusteur de pensée. Alors, exactement comme à un moment donné, le mental perçoit l'absurdité de voyager à 240 km à l'heure sur une route. Tout le temps perçu, la stupidité du déplacement lent de tortue. Alors, cela va engendrer un désir dans l'ego de vouloir aller plus vite, alors qu'il n'y a pas d'automobile ou de route ou de loi qui permettent d'aller plus rapidement. Ça ne fait qu'engendrer une frustration dans l'ego. Mais cette perception, elle est mentale, elle ne s'adresse pas à l'ego, mais l'ego, expérimentant tout ce qui se passe dans le corps physique, va s'en approprier. La personne, à un moment donné, l'ego va se sentir étouffé lorsque l'ego sera suffisamment énergisé par de nouveaux concepts de liberté. Concept d'être un dieu, concept d'être intentionnel, concept d'avoir une liberté, concept de matérialisation, dématérialisation, concept de téléportation, concept de non-maladie, concept d'anti-vieillissement. Mais tout ça ne regarde pas l'ego. Or, l'ego va finir par se sentir tout seul. Cela amène, à un moment donné, l'écœurement de l'écœurement, qui est typique de l'évolution vers la conscience nouvelle, c'est l'homme d'aujourd'hui. Je voudrais un exemple de magie noire qu'un individu pourrait commettre sans s'en rendre compte. C'est intéressant, maintenant que je vais lui dire, il va avoir un exemple. Bon, la magie noire, c'est une magie qui n'est pas permise par les forces égrégoriennes divines. Et la magie blanche, c'est une magie qui est permise par les forces égrégoriennes divines. La magie noire est une magie qui se fait même si les dieux ne veulent pas. La magie blanche est une magie qui se fait sous la régence des dieux. Les divinités, que l'être humain appelle Dieu bien souvent, qui est, dont les pieds allaient jusqu'aux genoux de la création, les dieux de la matière, les dieux de la loi, comme Jéhovah qui était le dieu qui a instauré les lois, Yahvé était la divinité et l'énergie qui a instauré ce contact relationnel entre les égaux qu'on appelle l'amour ou l'affection. Bon, ces divinités qui sont des prénoms égrégoriens dans le monde de la mort et qui se nourrissent émotivement de l'homme, régissent l'homme. Parce qu'un être humain fait de la magie noire, il accomplit à travers les forces belzébuthiennes, c'est-à-dire à travers les lois mécaniques qui régissent l'énergie vitale de la planète, il accomplit des choses qui ne sont pas et qui ne peuvent être interdites par Dieu ou par les dieux. De ce fait, les religions ont donc appelé cette magie noire. La magie blanche est la même magie régie aussi par Dieu. Moi, je prends des mèches de cheveux d'une personne ici dans la salle. Et je trouve des rognures d'ongles. Et lorsqu'elle s'est coupée les ongles ici, elle m'en donnait pendant la peau. Et je fais une petite poupée avec ça. Et puis, je m'arrange pour la manipuler à revenir à mes compétences. Magie noire. Je suis un curé. Je m'arrange pour qu'elle revienne à l'église. Magie blanche. La nuance est juste ça. Celui qui guérit avec la Bible sous le bras, guérit au nom de Dieu. Celui qui guérit, pas de Bible sous le bras, guérit au nom de Satan. Oui, prêtre, vous le diront. Alors, un exemple de magie blanche, de magie noire. Si vous voulez que quelqu'un sorte d'une religion, c'est de la magie noire. Yeah. Si vous voulez que quelqu'un rentre dans une religion, c'est de la magie blanche. Pourquoi l'ego s'entête-t-il à jouir du travail fait par la partie intelligente comme si lui l'avait fait? Il est beau lui expliquer qu'il se fait désaccroire et qu'il veut m'en faire accroire, mais il n'écoute pas. Et la plupart du temps, il est con comme ça. Quoi faire pour qu'il comprenne, qu'il prenne enfin son souffle? Premièrement, un ego, ça ne comprend jamais. L'âme est la seule structure énergétique qui n'évolue pas. Alors, que le Bouddha soit passé, Siddhartha, que Josué, Jésus soit passé, que Mohamed soit passé, un paquet soit passé, l'homme continue, du point de vue de l'âme, à haïr, à espérer, à avoir peur, à détester, à désirer, à pleurer, à s'ennuyer, à hésiter, à craindre, comme les Romains ont fait, comme les Égyptiens ont fait, comme les Perses ont fait, comme les Atlantes ont fait, etc. Un ego, c'est le siège central de l'âme. Ça ne comprend pas, ça apprend. Ça apprend comment? Continuez à lui répéter. Quand il y aura suffisamment de répétition, il sera reprogrammé. J'ai été baptisé à l'hôpital le lendemain de ma naissance. Mes parents n'étant pas d'accord, c'est une garde malade qui aura dit « Appelez-la Marie-Thérèse. Est-ce que c'est bon ou mauvais? » C'est un fait. Bon ni mauvais. Est-ce que les parents, est-ce que ce sont les parents, normalement, les parents nous baptisent, dans ce cas-ci, c'est pas les parents, mais est-ce que les gens qui nous choisissent notre prénom sont manipulés par quelqu'un ou quelque chose? Sont manipulés. Par qui? Par quoi? Par personne. Ils sont manipulés par la mécanique. Il faut concevoir la création comme étant un immense jeu de billard. Et il y a tellement de billards sur la table que finalement, les billes roulent sans s'arrêter. Et il y a tellement de billes et le jeu, le table est tellement vaste qu'il n'y avait pas à l'origine d'intentionnalité de faire bouger la bille ou le numéro 10 800 087 049 dans telle direction plutôt que l'autre. Mais il y a tellement de billes sur la table de billard et la force d'impact de la première boule a été telle que pendant quelques 15,5 milliards d'années, en temps standard planétaire, ces billes vont voler d'un bord à l'autre. Il y a tellement de billes sur la table que ça se frappe, ça se frappe, ça se frappe. Finalement, tu ne peux plus savoir du tout s'il y avait une destinée intelligente pour que cette bille aille là-bas plutôt que là-bas, parce qu'il y a eu tellement de réactions subséquentes depuis 4,5 milliards d'années que c'est parti le jeu. Que l'infirmière dit Marie-Thérèse parce qu'elle a vu ça à la télévision, parce que sa dose était chez elle, parce qu'elle a lu un livre, parce que dans le monde de la mort, une Marie-Thérèse veut se réincarner, parce que la face lui rappelle inconsciemment Marie-Thérèse, parce que tout ce que tu voudras, mais c'est une manipulation totale. Parce qu'elle voulait que le médecin Marie-Thérèse. Possiblement. Pourquoi pas? C'est une raison comme une autre. Il y a plein de raisons. Mais totalement manipulé, l'être humain n'a aucun libre-arbitre. Il n'a même pas c'est même pas lui qui décide quand il se gratte le nez. Je pense. Ouais. En plus de m'écouter parler, j'observe maintenant où je vais fouiller lorsque je parle et c'est presque toujours dans le passé. Même lorsque je ne parle pas, les mémoires du passé sont constamment là, présentes dans ma tête. Je les observe, mais au bout de 3-5 secondes, une autre revient et c'est toujours comme ça. N'y a-t-il que l'observation fastidieuse pour venir à bout de ces mémoires presque totalement automatiques? Non, il n'y a pas que l'observation fastidieuse, il y a aussi l'observation. Comment sortir de ce sexe positif? Je manque d'énergie pour observer l'ego, pour rester éveillé. et c'est en restant éveillé que je m'énergise. C'est bien que l'astral, que l'âme, que l'ego, que tout pour que la conscience chez l'humain ne s'éveille pas. Le peu de conscience qu'elle permet comme libération, elle s'en accapare comme expérience et l'ego dit immédiatement, tiens, j'ai fait ceci, j'ai réussi ceci, j'ai pensé ceci. Quand un animal humain vient me voir et vient me dire, j'ai eu une bonne idée, bon, je lui concède parce qu'il est un ego. Mais il n'a pas eu de bonne idée. 30 millièmes de seconde avant de l'avoir, il ne l'avait pas. Donc, s'il l'a eu dans sa tête, c'est que l'idée a décidé de s'arrêter là. C'est pas grâce à lui, c'est pas de sa faute. Mais l'ego récupère tout pour lui. Ah, ça y est, je comprends. Je comprends rien, l'ego. Comment sortir de ce cercle vicieux? Je manque d'énergie pour observer l'ego, et c'est en observant l'ego que je m'énergie. Ben, l'être humain doit continuer à observer son ego. Elle le fait présentement. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'ego a expérimenté l'observation de l'ego, et l'ego est impatient. L'ego veut aller plus vite. C'est pas un cercle vicieux, c'est un piège. Présentement, son ego a expérimenté l'observation de l'ego, et maintenant l'ego se dit, mais quand je m'observe, j'évolue. Mais, quand il ne s'observe plus, il est mort. La personne doit s'observer sans se juger, sans se condamner. Je répète souvent dans un séminaire que je donne, que plus vous constatez que vous avez été mémoriel, plus vous êtes vivant. C'est évident. Si je constate que j'ai fait une connerie, c'est que je ne suis pas con, vu que je constate que c'est une connerie. Si je suis un con, je ne dis pas que c'est une connerie. Alors si je dis, ah non, j'ai le fil dans ma mémoire, l'instant où je conscientise ça, je suis vivant. Plus je constate que je fouille dans mes mémoires, plus je suis vivant. Mais si l'ego s'accapare de l'expérience, il va dire, oui, mais là, je fouille dans mes mémoires. Là, c'est ça, là, c'est mort. C'est mémoriel. On doit simplement continuer, c'est pas fastidieux, ça se fait. Ça prend entre quelques secondes et quelques dizaines d'années, dépendant des individus, des réincarnations, des corps physiques, des génétiques. Et puis, à moyen terme, c'est gagné. De nos jours, de plus en plus, on devient des numéros. Quelles en sont les conséquences? Si vous vous assujettissez à votre prénom, il y a des conséquences qui sont dangereuses. Si vous vous assujettissez à un numéro, il y a des conséquences qui sont dangereuses. Mais êtes-vous un numéro? Si je vous appelle l'imbécile, et que ça ne vous dérange pas, ben si je vous appelle 8427, ça ne dérangera pas plus. Nous ne sommes pas des numéros. Est-ce que l'être humain peut réellement prétendre n'être que ce que les autres veulent qu'il soit? C'est ça le collectivisme. Moi, j'ai un numéro de carte d'assurance sociale. Non. On m'a donné une carte avec un numéro dessus qu'il faut que je leur présente. C'est tout. Eux autres, ils sont convaincus que quand ils possèdent mon numéro de carte, ils me possèdent. C'est faux. Ils possèdent mon numéro de carte. Ils possèdent le numéro de la carte qu'ils m'ont remis. Le numéro d'assurance maladie, c'est pareil. Je trouve ça extrêmement brillant. Quand je vais à l'hôpital ou quelque part ailleurs, je leur donne un numéro. Ils collectent un numéro. Même pas moi. Moi, je l'appelle. Franchement, je me plains pas du tout. Que j'aille un numéro ou qu'on aille attribuer un numéro, c'est une forme de nom. En passant, le numéro est beaucoup moins manipulatif que le prénom. Parce qu'il n'est pas coloré d'émotions, de traditions, il est neutre. C'est plus simple. Et puis, c'est le numéro qu'on me donne, c'est tout. Quand on me dit, hey, l'imbécile, je me retourne pas, je m'en fous. C'est pas moi. Si on donne un numéro, c'est pas moi non plus. Alors, cessez d'être, de prétendre que vous êtes un numéro. Si vous décidez d'être un numéro, vous êtes un numéro. Plaignez-vous pas. Si on décide que vous êtes un numéro, ça vous regarde. Si vous ne voulez pas être un numéro, vous n'êtes pas un numéro. C'est tout. Promenez-vous sur la rue. Ils ont dit, hey, ticu, si vous retournez, vous acceptez d'être un ticu. Si vous ne retournez pas, vous n'êtes pas un ticu. Le numéro, c'est la même chose. C'est un numéro qu'on a mis sur un bout de plastique bien souvent ou sur un papier. Et puis on espère qu'en bon citoyen, en bon humain, vous allez vous identifier au papier ou au plastique. Identifiez-vous donc à rien. Les signes zodiacaux ainsi que les professions, métiers ou autres font référence à des mémoires astrales. Explique, s'il te plaît. Les signes zodiacaux ainsi que les professions, métiers ou autres font référence à des mémoires astrales. Bon, font référence, évidemment, mais... Les signes du zodiaque, ce sont des constatations que l'intelligence a permis dans la conscience de certains traits animaux il y a de cela plusieurs années. Constatations comme quoi la position d'un astre engendrait une manipulation dans la conscience amique, dans la conscience astrale des humains. Étant donné que le monde de la mort est constitué de paliers mobiles, entre autres, et de paliers fixes, les astres, leur tellurie, la constitution atomique de chacune des planètes ou des lunes, attirent vers elles l'un de ces paliers mobiles, et dans sa rotation autour du Soleil ou autour de la planète Terre pour la Lune, elle entraîne un étirement ellipsoïdal de certains paliers mobiles, et il y a simplement une interaction entre l'absence ou la plénitude d'un palier mobile dans la conscience réincarnationnelle d'un corps physique perpendiculaire à une région stratégique de la planète Terre. Une manipulation. Autrement dit. Alors ici, on a la Terre, qui est mon micro, et puis on a un cercle qui est le monde de la mort, le ciel. C'est là que vont les âmes des morts à la disparition du corps physique. Ce palier mobile est dans plusieurs strates, donc plusieurs niveaux. S'il y a Mars ici, il y a un palier mobile qui est plus en affinité avec l'énergie atomique et tellurique de Mars. Alors, ce n'est pas circulaire, ce palier, il a une forme d'ellipse, il va vers Mars. Si l'être humain qui naît sur le plan planétaire au Canada, alors que Mars est à l'opposé de la Terre, l'être humain qui va naître ici n'aura presque pas de réincarnation tributaire du palier mobile de Mars, parce qu'il n'y en a presque pas, il y en a plus de l'autre côté. Celui qui va naître en Australie, par contre, naît en plein milieu de réincarnation descendance martienne. Il sera plus belligérant. Jupiter est ici, la Terre est un autre palier, et c'est le mélange de ces paliers mobiles qui influence la gestion de l'âme chez l'homme, pas les planètes. Bon. Les signes zodiacaux ainsi que les professions de métier ou autres font référence à des mémoires astrales. Beaucoup de métiers, premièrement au niveau de l'astre, on comprend l'idée, vu que ce sont des mémoires du monde de la mort et qui sont manipulées par l'attraction tellurique des astres, ça crée des désastres dans les phénomènes réincarnationnels humains. Les métiers, ce sont des noms, des prénoms. Alors, il y a eu un grand, grand, grand temps où la réincarnation des lignées familiales ne se faisait qu'à travers les métiers. Alors, on était plombier de père en fils, menuisier de père en fille, en fils plutôt, esclave de mère en fille, à l'époque. Et nécessairement, ça devenait donc un phénomène mémoriel, et être un maçon était génial. Être un menuisier, c'était correct. Être un vidangeur de père en fils, c'était correct. Et nécessairement, lorsqu'on devient un métier particulier, un policier, on rentre dans un égrégore de policiers, et même si on est pacifique, on a des chances de se faire enguirlander. On rentre dans les forces militaires, le fait de porter un uniforme, ça nous change totalement. Les métiers, comme d'ailleurs le phénomène zodiacal, est une gestion d'astralité. Rentrer dans les forces armées, c'est rentrer dans une religion. Alors on porte l'uniforme. On se fait baptiser aussi. Parce qu'on a un autre nom. Le sergent-major va te donner un nom. On se collectivise totalement et on rentre dans les forces mémorielles. Les métiers, c'est la même chose. En parlant de métiers, papa, maman, c'est des métiers aussi. Ben effectivement, on ne devrait jamais s'appeler papa ou maman. Bon, mais comment contrer ça si se manipuler, on doit faire manipuler assez largement? Ben, on sait nos enfants qu'on s'appelle, qu'on est son ami, qu'on n'est pas son frère. Bon, si tu appelles Charles au lieu de t'appeler papa, c'est pas mieux. C'est mieux? Ah, mais Charles, il y a beaucoup moins Charles que de papa. Mais il va te manipuler encore plus. Non, pas si tu es suffisamment intelligent, pas si tu... Si tu dis à ton enfant, mon nom n'est pas papa, c'est Charles, c'est que tu as suffisamment de mental et de compréhension et de rectificateur de pensée pour contrer aussi la manipulation qu'il va faire. Il te manipulera de toute façon, surtout que si l'enfant est un enfant Teflon, c'est évident qu'il va réussir à manipuler les parents, jusqu'à temps que les parents finissent par cesser d'être Velcro, ils deviennent Teflon un tout un peu aussi, c'est-à-dire qu'ils deviennent suffisamment individuels dans leur conscience pour que les agressions extérieures cessent de coller de retour. Est-ce que le jour où on devient papa, on se fait réincarner des mémoires d'anciens pères? On se fait collectivement assujettir à une grande lignée extraordinaire de paternelle et de maternelle. On va élever nos enfants comme les autres. Puis... Oui, c'est comme par exemple, devenir une grand-maman ou un grand-papa ou une mémé ou un pépé. 45 ans, t'es jeune. Pouf, ta fille a un enfant, ton fils a un enfant. Grand-père. Là maintenant, quand il y a 6-7 mois, viens voir mémé, viens voir pépé. Ouais, ça me dérange pas, mais là, tu viens de traverser un autre onde de forme majeure, celle des personnages qu'on élimine de la surface de la planète Terre, les vieux. Garde ton prénom. Reste un être humain libre. Le prénom est déjà un peu une problématique, mais prendre un mimétisme collectif, parce que le prénom, tout à l'heure, je l'ai dit, jamais de surnom. Grand-maman, grand-papa, mémé, pépé, ce qu'on voudra, c'est un surnom. Mais là, c'est un surnom hyper collectif. Tout le monde là, je vois à peu près. Ouais, mais papa et maman, c'est la même affaire. Qu'est-ce que c'est qu'un papa? Qu'est-ce que c'est qu'une maman, sinon celle qui sert, qui torche, qui ramasse, qui lave? Mais si c'est Micheline, non, elle torche pas, elle ramasse pas, elle lave pas. Elle est limitée par son prénom. Mais c'est pas le même genre de manipulation. Restons plus proches de notre prénom possible, jusqu'à un moment donné où ça va être des communications sans prénom. Si les petits-enfants, donc, appellent leurs grands-parents par leur prénom, ça devrait non pas les insulter, mais les faire sourire, parce que ça va garder jeunes. Non, non, ça devrait les insulter. Ce sont des grands-parents, ils sont extrêmement anciens. Et puis ça va les soulager, ce sont des grands-parents, suffisamment nouveaux, si c'est ma sensibilité. Lorsque l'astral s'en prend physiquement à mes enfants à la suite d'un certain travail fait de ma part, est-ce vraiment une solution que de quitter physiquement ceux-ci, car de toute façon, le départ créera chez eux une déchirure telle que la souffrance physique ne sera évitée qu'au profit de la souffrance psychologique? Le départ que je considère comme sacrifié est-il voulu par l'intelligence pour m'inciter à choisir? Est-ce là l'amour intelligent? Premièrement, on doit bien savoir, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on peut le constater dans toute sa vie, et même historiquement, chaque fois qu'un être humain change, il crée de la souffrance. Alors celui qui veut évoluer, celle qui veut évoluer, celle qui veut devenir un peu plus proche de la réalité de ce qu'elle est, de sa conscience, veut pas, elle va faire souffrir énormément d'êtres humains, dont d'animaux humains autour d'elle. Elle n'y échappera pas. Il n'y a pas moyen d'évoluer sans faire souffrir autrui. Celui qui dit, moi je veux évoluer, puis à un rythme suffisamment ajusté pour que personne n'en souffre, son égo qui s'amuse, les dieux jouent à l'intérieur de ses neurones. Évolue! Évolue! Quand on te claque d'en face, ben souris un peu plus! Évolution. Mais c'est un peu comme beaucoup de musulmans qui ne peuvent rejoindre Allah que s'ils tuent un infidèle sur un champ de bataille. Si le monde devient musulman, plus d'infidèles, plus personne ne peut rejoindre Allah. Les religions instruisent toujours l'homme à se déchirer dans leur évolution comme dans leur vie. Alors, on regarde ici, on a exactement cette problématique-là. L'individu qui doit changer, qui doit quitter, qui doit évoluer, il fera souffrir. Elle fait un travail et les enfants en souffrent. Question qu'on doit se poser. Si c'est le plan de vie des enfants de souffrir, on ne regarde pas du tout. Et si en évoluant, on inflige de la souffrance, on va dire, bon, c'est évident que dans l'évolution de la conscientisation de l'homme, la conscience nouvelle, celui qui évolue, celui qui grimpe, veut pas, l'astral, les forces d'évolution vont tout faire pour l'empêcher de monter. Il devient trop puissant, on va maintenant attaquer tous ceux qui vivent autour de lui pour l'occuper. Ton fils se met à droguer, ta fille se suicide, ta femme, ton mari devient alcoolique, on t'engueule, on te chicane, on te dit que tu donnes sec, en tout cas, on s'organise. Tu peux même aller jusqu'à perdre ton emploi, bon, on s'arrange pour t'occuper. Bon, tu n'évolues pas trop vite. Tous les grands initiés n'étaient ni mariés, n'avaient pas d'enfants, ne connaissaient pas leur famille. C'est pas ramassable. Alors la personne, tout ce qu'elle a à faire, c'est elle a à faire ce qu'elle va faire. Et on doit cesser, mais ça c'est pas seulement cesser. Je l'ai déjà dit une fois, si vous êtes prêt à évoluer, à changer, quand je dis évoluer, faut faire attention, c'est pas devenir un sage qui fait sur des nuages. Si vous voulez réellement cesser de souffrir, savoir. Pas juste être des corps physiques de chair qui se promènent, qui se mettent du maquillage, qui s'arrachent un bouton, qui se coupent la barbe. Si on veut, disons, s'en sortir, on doit être prêt à ce que tous ceux qui sont autour de nous disparaissent. On doit être prêt à ce que même la planète Terre explose, disparaisse. Même la chaise sur laquelle on est assis. On doit être prêt à ce que le sol. Si on n'est pas prêt à ça, on n'est pas prêt à la conscientisation. On est prêt à dire, nous allons aboutir quand tout le monde va aboutir. Moi, je ne vais pas être sauvé seul. Je vais m'ennuyer. En gang ou tout seul, tu vas être libéré de l'ennui. Alors, si on veut réellement s'en sortir, c'est comme celui qui se met la tête dans l'eau. Ben, si on le maintient dans l'eau quand il vient pour sortir, eh bien, il va vouloir respirer, hein? Mais si on veut évoluer autant qu'il veut respirer, là, on va évoluer. On va changer. quel karma vais-je m'attirer avec un tel geste? L'anxiété, c'est exactement comme si on avait extrêmement faim de quelque chose, et s'il n'y a rien à manger, on s'en fout. Mais là, on te dit, le plateau s'en vient. Puis là, on arrive avec, puis on le renverse à terre, il reste 3-4 morceaux sur le plateau. Tu commences à en manger, ça fait rien que t'ouvrir l'appétit. Puis là, on va revenir avec l'autre plateau, et puis là, on revient encore avec, puis là, ben, on s'excuse, et bon, puis là, encore un petit bout. On est anxieux parce qu'on aime des choses. Et ce qu'on aime, on ne le possède pas. Il nous échappe totalement. Et il y a juste des petites informations qu'on va lui voler ou qui vient nous amener. Alors, je suis anxieux de la vie, de la mort, parce que j'aime trop la vie, alors je suis juste nourri un petit peu. Je suis anxieux de perdre mon emploi, je suis anxieux de mes enfants, de mon mari, de ma femme, de mes parents. Je suis anxieux de rien en particulier, mais je suis carrément anxieux. Il y a cette nourriture continuelle, l'astral, l'ego, l'âme, est totalement insatisfait d'une chose et qu'il ne peut pas conscientiser parce qu'il n'est pas suffisamment nourri de la chose, et il y a juste un petit peu. Pour éliminer l'anxiété, on doit reprogrammer l'ego. Je me mets à faire de la peinture, et là, à un moment donné, quand je vais être dedans, l'anxiété va s'en aller parce que mon ego va être nourri d'une chose, Je dois faire certaines choses. Je dois carrément changer le prototype de mon prénom, c'est-à-dire que je dois remodifier totalement la structure égoïque qui me constitue, je dois me reprogrammer, je dois mourir pour renaître, je dois carrément changer. Si une personne s'adresse à une autre par écrit avec l'intention de lui nuire sans mentionner le nom de celui qu'elle a l'intention d'agresser, mais écrit plutôt le titre du poste que celui-ci occupait, exemple, Monsieur l'ex-président, comment est-ce nuisible? Cela l'est moins que sans le prénom. Oui, pourquoi? Parce qu'on crée justement de l'anxiété. C'est-à-dire que l'ego de celui qu'on vise ne saura pas s'il doit s'identifier ou pas. Il aura la capacité de pouvoir fuir un peu l'identification au poste. Par exemple, ce n'est pas toi, mais c'est le directeur qui est un imbécile, mais t'es le directeur. L'ego ne sait pas s'il doit dire, bon ben, c'est peut-être l'ancien directeur, c'est peut-être le mauvais nom, c'est peut-être... Mais si on plante le nom, on l'accroche directement, il va commencer à se défendre. Il y a plus de puissance manipulatrice noire quand on y va indirectement pour laisser l'ego toujours dans l'attente. C'est un peu comme si c'était sur un champ de bataille, puis les ennemis se lèvent pour attaquer, puis ils vont tous aux toilettes. Là, il merde. Là, tata. Hop, d'un coup, on voit des chapeaux, on voit des fusils qui s'arment. Là, tu te prépares, enfin, puis là, ils arrêtent tout, ils vont dîner. Mais tata encore. Bon, mais c'est un peu comme ça pour l'ego. Il ne sait jamais si c'est lui ou si c'est pas lui. Puis on lui laisse la possibilité, l'ego étant un pissou, de prétendre que c'est pas lui, même s'il sait que c'est lui, fait que c'est beaucoup plus traumatisant pour un ego. Baptiser ou nommer les gens de son entourage de nouveaux noms, d'après l'onde de forme qu'il t'inspire, apporte-t-il des changements de comportement du baptisé ou du baptiseur? Premièrement, c'est évident que ça assujettit celui qu'on baptise à celui qui baptise. Là, ça va de soi. Mais c'est déjà moins pire. Il va être assujetti à un individu qu'à une collectivité astrale. Et la meilleure chose qu'on devrait faire dans une société qui serait intelligente, c'est que l'être humain, au fur et à mesure de son changement, de sa densification d'intelligence, d'énergie nouvelle, d'énergie supramentale, eh bien, il devra s'adapter à un nom, s'ajuster en fonction de ce qu'il veut de la façon dont il veut qu'on l'appelle. Ce sera beaucoup plus efficace pour lui. Pour elle, et à un moment donné, bien le nom ne sera même plus utile. Quelle musique est-ce que tu écoutes s'il y a lieu, et quelle influence y vois-tu s'il y a lieu? Pour l'instant, j'écoute la musique du bar en arrière. Ouais, moi aussi. Ah bon, c'est bien. Et puis, moi je n'écoute aucune musique. De temps en temps, mes oreilles en perçoivent, mais je n'écoute pas de musique. Un être à tendance supramentale peut-il tenir des propos à une foule et en même temps dire autre chose avec des mots bien différents de façon individuelle à une personne faisant partie de cette foule? Si oui, explique ce phénomène. Absolument. D'ailleurs, ça ne fait que ça. Un être qui a suffisamment de contact supramental devient un ajusteur de pensée collectif, un rectificateur collectif. Et il parle dans le langage des oiseaux, c'est-à-dire qu'il va annoncer publiquement certaines choses, il va donc dire des choses dans une forme de parole. Et énergétiquement, il va communiquer d'autres choses, ce qui peut endormir certains égos. Et vibratoirement, à travers sa parole, il va aussi donner une valeur énergétique à certains mots que certains corps physiques, que certains systèmes neuroniques ou que certains corps périspritiques, le corps, l'enveloppe de l'âme, décoderont, alors que la majorité des âmes ou des égos ou des corps mentaux qui sont à l'écoute ne pourront décoder. C'est la façon qui normalement est employée par une personne qui a un contact supramental pour communiquer. Si notre nom de famille est un prénom, donc deux prénoms, Quelle est l'influence? Bon, on est influencé doublement par le prénom. C'est comme j'ai connu une personne qui s'appelait Pierre. Pierre. Et s'il s'appelle René Robert? Même chose. J'ai été influencé par les lignées, par sa lignée familiale qui ont été des Robert. Surtout. Et il est quelque peu influencé par le mélange. Lorsqu'une personne l'appelle Robert, astralement parlant, c'est un prénom et un nom de famille. Si on dit René Robert, alors le Robert devient le nom de famille. Alors il y a un peu plus d'incidence, d'influence dans le prénom, le nom de famille, que celui qui a un nom de famille exclusivement réservé au nom de famille. Mais ce n'est pas tellement coloratif, étant donné que bien souvent, le nom Robert va amener beaucoup plus d'incidence astrale mémorielle sur la lignée familiale que sur les personnalités réincarnationnelles. C'est un individu qui s'appelle Pierre, qui est adulte. Normalement, son moule devrait être plein, il devrait pas être changeable. Le jour où il sort de l'université, il s'appelle Docteur Pierre. Il s'assujettit maintenant à tous les Docteurs Pierre. Donc, il vient d'augmenter un peu plus son moule. Et normalement, il va mettre du snobisme de l'évolution. Non, normalement, ça dépend de l'individu. Et il change donc. Mais ça se colle à l'entour du moule, c'est pas à l'intérieur? C'est pas à l'intérieur, c'est ce que l'entour du moule, et ça l'assujettit maintenant, ça l'assujettit à l'égrégore de celui-là. C'est comme si tu deviens constable, Charles Villeneuve, eh bien, tu es policier, l'uniforme, etc., soldat, Charles Villeneuve, c'est la même chose, eh bien, nécessairement, tu deviens plus collectif dans l'égrégore, donc docteur vient planter de l'égrégore dessus. Lorsqu'une personne déménage, est-elle différemment influencée par son nom? Non, elle va être différemment influencée par la région où elle va aller rester, par le logement, par les vibrations qui restent dans la pièce, dans les pièces, dans l'ascenseur, dans tout l'entourage, pas au niveau de son prénom. Mais le fait que tu quittes, disons, ton village natal où tu as été perçu comme Ticu, ton nom est identifié étant Charles, le fait que jour où tu sors de là, ceux qui t'appellent Charles... Si tu sors de là, premièrement, si tu sors de là parce que tu es tanné de vivre là, c'est que tu n'es pas né dans le bon village. Tu n'es pas né dans ta famille. Tu es né à travers des corps physiques, mais ce n'est pas ta famille énergétique. Alors, quand tu quittes, tu t'en vas dans une autre ville, puis nécessairement, ce que les autres vont percevoir de toi, c'est le même nom, mais la vraie forme. Alors, il y aura comme un changement, mais le changement ne sera pas chez toi, il va être dans l'entourage. Okay. Parce que tu quittes ton entourage. C'est donc Par contre, si on te met à la porte, ou s'il n'y a plus d'emploi, ou etc., tu t'en vas ailleurs, ben, ça paraîtra pas tellement. Tu vas rester toujours le même. Okay. Devons-nous donner un prénom à l'enfant qui... vient de naître. Sinon, quelle option existe-t-il? On doit lui donner un prénom. On n'a pas le choix. Son ego, qui est un ego réincarnationnel de nos lignées familiales, a absolument besoin d'une enveloppe, d'un paramètre, sinon l'enfant n'arrivera absolument pas psychologiquement à un développement normal. Il va être carrément débile. Si tu lui donnes un nom, mais tu ne le baptises pas, ça fait une différence? Le fait de lui donner un nom, c'est un baptême. Maintenant, si tu ne le baptises pas dans la religion catholique romaine, tu le désassujettis du poids karmique de l'Église catholique romaine. Donc, tu l'avantages du point de vue de son évolution individuelle. Il reste à lui-même de savoir si c'est avantageux de ne pas être lié à l'Église catholique romaine, mais c'est évident que c'est très avantageux du point de vue de l'individualité. Il pourra lui-même décider un jour s'il veut être catholique, catholisé ou bouddhisé ou autre chose, ou rester libre. Où je travaille, quelques personnes me donnent un autre nom que le mien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Où ont-elles de la difficulté à se rappeler mon prénom et me donnent le prénom d'une personne avec qui je travaille? Bon, il y a des personnes, premièrement, qui, dans leur milieu d'emploi, n'expriment absolument pas l'ego qui les constitue. Donc, les personnes avec qui ils travaillent n'arrivent pas à leur mettre leur prénom sur leur nez. Il s'appelle Charles. Toute fois qu'il vient me voir, il vibre Richard, je l'appelle Richard. Première chose. Et deuxièmement, il peut y avoir aussi une manipulation dans l'entourage, c'est inconscient, où on t'oblige à remplacer quelqu'un qui était là avant, qui s'appelait Richard. Puis quand tu rentres, ben, je t'appelle deux fois Richard inconsciemment. Il y a un paquet de mécaniques qui peuvent obliger une collectivité à t'appeler sous un mauvais nom. Je suis certaine, quand on vous donne un surnom, puis vous n'en voulez pas, donnez-lui un avec. Mais un surnom que c'est évident. L'enfant qui reçoit un prénom d'origine étrangère à son origine, quelle influence vit-il ou la vit-il différemment que si elle était de cette origine? Il permet la réincarnation fusionnée, étant donné qu'on se réincarne de façon pluralitaire, c'est-à-dire que c'est des centaines et des centaines de mémoires d'humains qui se réincarnent dans un corps physique à la naissance. C'est pas un humain. c'est pour ça qu'on ne se rappelle jamais de ce qu'on a fait. Dans ce cas-là, il y aura un mixage de mémoire qui provient de la lignée génétique des parents et un mixage des mémoires réincarnationnelles qui proviennent de la lignée réincarnationnelle du prénom. Ça crée une fusion, c'est un peu comme si un Chinois avait un enfant avec un Américain. Il y aura un mélange génétique, il y aura un mélange réincarnationnel. Prendre un Américain, deux parents américains, et l'appeler Wong Tong, eh bien, ça va permettre la réincarnation de mémoire wongtonienne à travers les mémoires américaines. Ça fait un mix, un mélange. Mélange. Il y a déjà eu un chanteur français qui se faisait appeler le chanteur sans nom. Quel jeu jouait-il? Eh bien, c'est un jeu astral. Ça plaît à l'astral d'aller voir qui c'est qui n'a pas de nom. On essaie de lui en donner un. Son nom est évidemment le chanteur sans nom. C'est comme les produits sans nom. Bien, ils ont un nom, produits sans nom, c'est écrit dessus. Alors, c'est une forme de baptême aussi. Mais c'est pourquoi on remarque qu'il y a beaucoup d'auteurs qui ont des noms de plumes ou des chanteurs qui ont des noms de plumes ou de micros, des chanteurs. Simplement parce que ça leur permet, inconsciemment, c'est une règle dans l'art, ça permet à tous ceux qui l'aiment, qui le têtent, qui le vident, bien, quand il rentre chez lui, c'est un autre nom, fait qu'il est totalement libéré de cet égrégore-là. Puis quand il va chanter ou quand il écrit, bien, il prend son nom de plume ou son nom de micro, et puis là, ben là, les gens viennent le têter, le siphonner. C'est extrêmement important quand on est dans le domaine public, sauf si on a des raisons occultes particulières, d'avoir un faux nom. À ce moment-là, pour eux, c'est un parapluie. Mon nom est Carmen, et des gens d'origine étrangère m'appelaient Carman, comme dans Armand. J'avoue que ça me donnait un petit choc à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe simplement que l'ego sentait des individus qui obligeaient son ego à être quelqu'un d'autre. Il y avait une révolte totale. Choc. Quelle valeur ont les systèmes de numérologie pour évaluer un prénom? Ils ont la valeur de celui qui se fait numérologiser. Tente-t-on avec ceci de réévaluer le prénom pour une deuxième phase de vie? On tente surtout de connaître, d'associer une valeur kabbalique, kabbalistique, à un nom auquel on avait toujours associé une valeur émotive. Dans chaque nom, dans chaque lettre, il y a des valeurs numériques, kabbalistiques, reliées à la kabbale, et il y a des valeurs émotives. Lorsqu'on est tanné d'avoir un nom avec sa valeur émotive, lorsqu'on veut instruire notre ego d'une autre valeur, on va prendre Daniel, le système numérologique ou guématrique le plus proche d'une réalité québécoise va être que le A signifie 1, B 2, C 3, D 4. Donc Daniel vaut 4. 4, du point de vue kabbalistique, symbolise la matière, il symbolise la croix, il symbolise les quatre éléments constituant la matière, l'air, la terre, l'eau et le feu. La croix, c'est le passif ou deux éléments qui sont terriens, contrebalançant l'actif, deux éléments qui vont être beaucoup plus reliés au feu. Et on a donc le phénomène de la matière. A, 1. 1, c'est le principe d'activité, c'est le début, c'est le commencement. On commence à écrire en faisant un point, c'est le principe du 1. Alors, DA veut dire matière et 1, donc l'actif. La matière qui crée de l'actif. N qui peut symboliser 5. Pourquoi? Parce que rendu à 9, le 0, on l'élimine et on remet le 1. Et on recommence les chiffres jusqu'à Z. Le 5 symbolise le contrôle. C'est la tête de l'homme contrôlant ses quatre membres. Bon, c'est l'homme contrôlant les quatre éléments de la création. Et on va arriver avec des A, N, I, E, L à faire différentes choses pour arriver à connaître un peu les consistances cachées kabbalistiquement dans ce nom. Maintenant, on additionne tous les chiffres du mot Daniel et on a le chiffre 9. 9 qui symbolise, au niveau kabbalistique, l'ermite, au niveau du tarot. 9 qui symbolise aussi le triangle 3 sur le sceau de Salomon, qui est deux triangles juxtaposés, un à l'inverse de l'autre. Alors, on a le triangle à l'endroit qui est le 3, qui va être, disons, le feu, l'intelligence. Le triangle dont la pointe va vers le bas, qui est la coupe, qui est l'eau, l'eau sur le feu. Intelligence négative, positive, réflexion. Le triangle en haut, parce que là, on a 6, le 9. Le triangle en haut va être l'idée qui sort de la réflexion, donc le génie. Le chiffre 9. Celui qui sait, celui qui marche prudemment, celui qui marche informé. Alors, on a une idée du Daniel. Pour ça, on prend Kem. Kem donne 9 aussi. On a le même phénomène. 9 plus 9 donne 18. 8 plus 1 donne 9, donc le même phénomène. Ça peut avoir, on a une idée, disons, numérique, plus kabbalistique, plus mentale, de la valeur des noms. Mais ça ne change pas le monde. On a une valeur plus mathématique, plutôt qu'une valeur émotive, c'est tout. Comment faire pour se préserver de l'assujettissement de notre nom à travers cette société désajustée? Premièrement, la société n'est pas désajustée, elle est extrêmement ajustée à elle-même. Bon, premièrement, c'est celui qui mute, celui qui change, qui devient désajusté à la société. C'est autre chose. Comment faire pour se préserver de l'assujettissement de notre nom? Sachez que maintenant, dans votre corps physique ou dans votre conscience, habite quelqu'un qui porte votre nom. Pareil. Alors moi, je cohabite avec Daniel. Mais je ne suis pas Daniel. Et quand on appelle Daniel, je sais qu'on appelle ce qu'il a. Les gens ne peuvent voir autrement que l'animal humain, la mémoire, ce qu'ils ont connu. Ils l'appellent Daniel. Et s'ils disent « Daniel, j'ai une question supramentale à te poser », je sais qu'ils font appel à moi. Mais ne connaissant pas et n'ayant pas la capacité télépathique de communiquer avec moi, ils passent par le véhicule oratoire, ondulatoire, phonique, et ils prennent le nom de l'enveloppe et des mémoires. Pour que l'enveloppe et les mémoires se déplacent, sachant que l'intelligence est aussi dedans. Alors, ça ne frustre pas quoi que ce soit chez moi. Et j'y vais, et eux pensent que c'est Daniel qui vient. Les personnes faisant partie du même faisceau ont-elles en général les mêmes taux physiques? C'est pas taux, là. Même tard, physique. Non, pas nécessairement. Qui êtes-vous? Vous avez commencé, là? Bon, je suis... Je sais pas si on s'adresse à Daniel ou à toi. Ça fait 5 ans que je dis que je suis un bon gars, là. En plus d'être un bon gars, si on s'adresse à Daniel, c'est qui, Daniel? Des mémoires réincarnationnelles de qui? Ouais, Daniel, sont des mémoires réincarnationnelles de différents personnages. Bon, c'est la mémoire réincarnationnelle, disons, qui a 25%, un peu moins, 20%, 12%. De mémoire réincarnationnelle d'un bonhomme qui a un jour mandaté Samuel de Champlain pour venir agrandir un peu ses territoires au Canada. Bon, de fouiller. Il a eu une maîtresse, puis il s'est marié, puis c'était correct. C'est un bon bonhomme. Et c'est presque à 80% de la mémoire réincarnationnelle d'une grande gueule du passé, qui date de très longtemps. Et... Ça s'appelait comment? Ouf, il portait plusieurs noms. Les individus, chacun avait un peu sa façon de l'appeler. Et lui, il ne s'appelait pas, il était toujours rendu. Et moi, qui je suis, ce n'est pas ça. Moi, je suis un voyageur. Oui. Voyageur? Je voyage, je me promène. D'aller le Lièvre à Montréal? Entre autres. Qu'est-ce qui attire ou répulse les autres vers nous? Est-ce votre onde de forme? La façon qu'elle est perçue? Comment réagit notre psychologie lorsque l'on perçoit quelqu'un? Expliquez. Plusieurs choses. Premièrement, les colorations de l'aura, c'est-à-dire les constitutions astrales, font en sorte que deux auras, lorsqu'elles s'interpénètrent, suffisamment densifiées, donc lorsqu'on est suffisamment proche, ou lorsqu'on a un contact phonique, photonique, donc lorsqu'on voit, les auras peuvent être en disharmonie totale du point de vue de leur vibration, ce qui crée une antipathie instantanée entre deux personnages. Deuxièmement, il peut aussi y avoir la vibration périspritique de l'ego, qui va décoder qu'un individu qui s'approche de lui est supérieur à lui du point de vue de certains désirs de l'ego qu'il perçoit. Cela va engendrer une jalousie qui inconsciemment engendre une antipathie immédiate. Deuxièmement, troisièmement, il y a le médiocrisme de l'ego, qui observant photoniquement un nombre de formes, une personne bien habillée, une personne qui se tient particulièrement bien, une personne qui réfléchit l'aristocratie, par exemple, l'ego médiocre va immédiatement se retourner et dire « Non, c'est pas pour toi, va-t'en », et ça crée aussi une antipathie. Les sympathies sont la même chose, dans l'ordre inverse. Quand le Nazaréen exorcisait quelqu'un, il ne met le nom de la chose. Comment vibrer ce nom, et donc le nom de l'anti-homme, est un autre que celui que nous portons? Lorsque le Nazaréen exorcisait, c'est évident qu'il devait connaître la vibration particulière de l'entité astrale qui possédait la conscience amique de l'individu. Lorsqu'il avait suffisamment la vibration, il redonnait la consonance vibratoire dans le système auditif par un prénom, par un nom, et nommant l'objet ou l'entité qu'il possédait, il la contrôlait totalement, et l'entité ne pouvait faire autrement que d'exécuter ce que le Nazaréen donnait. Lorsque nous donnons votre prénom, nous avons l'ensemble de votre constitution. Mais si on voudrait vous forcer, par exemple, à vous lever, vous ne voulez pas, et là on va nommer le nom exact des forces astrales qui servent par l'interpréteur actionnel à la motricité qui pourrait vous permettre à vous lever debout. Alors je dis, Charles, lève-toi, il ne se lèvera pas. Si je vais chercher exactement la consonance ondoformique vibratoire et je la mets en parole, de ce qui va le faire lever, si je le dis et je dis lève-toi, il se lèvera même s'il ne veut pas. Le nazarien allait donc chercher la partie qui était extrêmement astralisée et négative, disons, qui n'était pas à sa place dans le corps d'homme, de femme ou d'enfant, et il le rejetait. Comment vibrer ce nom? Il faut avoir un âme suffisamment pure, parce que chaque fois que nous vibrons quelque chose, nous le vibrons à travers les colorations de notre propre esprit très coloré, très densifié. Donc, ce que nous vibrons n'est jamais exactement l'authenticité de ce qui émet. On ne peut donc pas avoir le nom juste, tant qu'on n'a pas une âme pure. Une âme pure veut dire une âme sans égo, sans mémoire réincarnationnelle, veut dire juste l'enveloppe de l'âme, le périsprit, veut dire un double-éthérique, un égoïque total. Le problème de la matière, c'est la mémoire. Les électrons enregistrent un mouvement de base et prennent d'abord la nature d'une table, puis l'information informe la forme et la table prend la forme d'une table. La table doit-elle disposer constamment d'une énergie qui l'informe à chaque minute pour rester une table, ou si cela a son énergie, ou si elle a son énergie une fois pour toutes? Pourrait-on l'informer qu'elle est autre chose qu'une table et elle serait autre chose? On doit informer les forces belzébuciennes, c'est-à-dire l'énergie vitale tellurique. Quand on prend la table, elle conserve sa forme, cela implique qu'elle a une mémoire. Si on met le feu dedans, on met une énergie tellement puissante que l'énergie qui mémorise la table est détruite, donc la table est détruite. Si on prend une pomme, la pomme, elle a une mémoire et une mémoire ascendante, c'est-à-dire une pomme verte, elle devra continuer à mûrir pour devenir la pomme rouge mûre. Lorsque cela est fait, toute la mémoire ascendante ayant été digérée et transformée en mûre, en pomme mûre, il ne reste plus rien d'apport en mémoire. Si la pomme est sur une table, elle va maintenant commencer à oublier sa mémoire et elle va pourrir. Si nous avons, premièrement, l'énergie belzébucienne ou l'énergie tellurique, le plan vital de la planète Terre, le plan qui structure les forces intra-atomiques, qui structure les forces atomiques structurant les molécules et structurant finalement la forme matérielle telle que nous la concevons, cette énergie vitale, elle est exécutoire, elle exécute. À l'instant où les archétypes qui manipulent les forces sataniennes, lazaréennes, les forces qui manipulent toute la structure vitale de notre planète Terre, à l'instant où ces forces vont recevoir l'ordre de changer les choses, la matière va changer. Étant donné que l'archétype planétaire étant tellement solidement conformiste, la table restera ce qu'elle est, parce que dans la mémoire astrale, elle est codifiée comme ça, donc le plan astral ordonne continuellement au plan vital de le maintenir. Et étant donné que ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont fabriqué, enfin, il y a suffisamment de structuration dans le monde de la mort pour donner ordre inconsciemment, c'est une mécanique, exécutoire au plan vital de le conserver. Si une conscience humaine décide de changer la table, étant donné que la conscience humaine présentement est surtout astralisée, exécutoire, elle devra, parce qu'elle se sent médiocre, passer par des lois qui sont acceptées par la structure astrale de notre monde présentement. Elle devra prendre un ciseau à bois, un marteau, elle devra prendre quelque chose qui est reconnu comme ayant l'autorité d'altérer la forme, et là, elle pourra changer la forme de la table. Quand l'être humain sera capable d'avoir une autorité mentale dans l'astral suffisamment élevée, il devra changer la forme de la table, il devra changer les mémoires de tous les individus qui ont vu la table, il devra changer les mémoires événementielles de la table dans les annales akashiques, et la table changera. Tu as déjà dit que Daniel était le nom de ton anti-homme et que tu avais un autre nom. Pourquoi alors reprendre un autre nom si ce n'est pas pour l'ego? L'autre nom est la partie qui n'est pas anti-homme mais qui est homme. C'est-à-dire que j'ai déjà expliqué dans le séminaire que la partie anti-homme était tout ce qui était mémoriellement en affinité avec l'anti-changement, les habitudes, les bonnes choses, la mode, ici et cela. Et que la partie homme était la mémoire réincarnationnelle qui investissait le fœtus pendant sa gestation utérine, intra-utérine. Et cette partie accepte le neuf. Cette partie astrale peut porter un nom et connaître ce nom dans certaines mécaniques d'évolution ou de reprogrammation de l'anti-homme, donc de ce qui est anti-évolutif, peut avoir une incidence qui est blanche, c'est-à-dire qui est positive. L'ego global porte un nom, l'anti-homme porte un nom majeur, Daniel. La petite partie, presque rien, qui accepte le neuf du point de vue de la mémoire, porte aussi un autre nom. Et chaque partie constituant l'anti-homme porte un autre nom, comme je viens d'expliquer. On peut manipuler la partie Charles, mais on peut manipuler la partie qui va l'obliger à être en colère, ou la partie qui va l'obliger à se calmer. Je dis Charles, calme-toi, mais ce n'est pas Charles qui est en colère. Mais la grosse Charles est là et le global est la globalité d'une partie astrale, d'une pluriconstitution astrale qui est la colère. Je nomme ce nom-là. Je dis calme-toi, elle se calme immédiatement. Et le nom mental de l'homme, c'est le nom endoformique qu'à un moment donné, l'humain va accepter de donner à des êtres humains qui seront dans une phase de conscientisation reliée au plan mental. Et au niveau du plan supramental, il n'y a plus de nom. Mir a rebaptisé quelqu'un sept prêmes à 30 ans, ce qui signifie qu'il aime vraiment. L'influence sur l'ego est donc encore là, même si l'individu est adulte. Question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque... En passant, c'est pas Mir, c'est Mère. Bon. Lorsque cette prême a été baptisée, il a été exorcisé. C'est pas la même chose. Alors, lorsque Mère, qui était l'un des premiers corps physiques européens à recevoir de l'intelligence supramentale, Aurobindo était l'un des premiers corps dans l'époque actuelle, du point de vue des descendants aryens, à recevoir de l'intelligence supramentale, lorsque Mère a investi cette prême d'une coloration astralisée supramentale, elle a exorcisé le bonhomme. Et elle l'a mis à la porte, c'est-à-dire qu'elle l'a mis à l'extérieur de son périsprit, elle a retourné dans le monde de la mort, une grande partie de ce qui constituait le bonhomme, pour ne conserver que la partie blanche, la partie, non pas anti-homme, mais la partie homme du bonhomme. Et elle l'a baptisé celui-ci, cette prême, c'est-à-dire qu'elle l'a assujetti à un égrégore arien, étant donné qu'elle était maintenant investie des descendances ariennes, donc elle vivait près de Pondichéry, elle vivait aux Indes, et il lui a donc donné un nom, qui était un nom arien, un nom qui le reliait, ce bonhomme-là, à la race arienne. Et elle l'a exorcisé. Donc, par la suite, le bonhomme est devenu le véhicule qui transporterait, qui supporterait les mémoires archétypales, néotypales, pardon, des nouvelles formes, amenées par Mère, une fois la disparition de l'entité supramentale dans le corps physique de Mère. Autrement dit, cette prême a été la réincarnation de Mère, et il est devenu solidement la réincarnation de Mère, lorsque Mère est morte. Maintenant, sa prême est restée un bonhomme, mais il n'a passé sa vie par la suite qu'à ne divulguer que l'enseignement de Mère, c'est-à-dire qu'il a été exorcisé, et j'ai expliqué que lorsqu'on exorcisait, on possédait différemment. Si un prêtre catholique t'exorcise du diable, il te fait posséder par Dieu. Mère ayant exorcisé sa prême, elle possédait donc maintenant. Ayant exorcisé le bonhomme, elle possédait maintenant sa prême. J'ai toujours vu comme une manipulation le fait qu'on nomme mon prénom avant de s'adresser à moi, et donc ça me fait encore réagir, mais négativement. Je vois l'autre personne comme manipulatrice. Est-il possible de dire le prénom avec une voix mentale et donc de ne pas réduire l'autre à un animal humain? Absolument. Maintenant, ça dépend encore de l'ego qui anime l'animal humain. Celui-ci est extrêmement médiocre ou s'il se mêle de tout. Quand je fais des similaires, bien souvent, je parle au mental de l'individu, sinon c'est un ajusteur de pensée, mais bien souvent, l'ego s'en mêle. Alors, je vais dire à quelqu'un, « Est-ce que tu fumes? » Il répond, « Oui. » « Est-ce que c'est intelligent de fumer? » Souvent, il me répond, « Non. » Et là, je dis, « Est-ce que tu es intelligent? » Mais ils ne peuvent plus répondre. C'est l'ego qui s'en mêle. S'ils savent que c'est pas intelligent, ils sont intelligents. C'est évident. Alors, on a la capacité d'employer le prénom logique, le prénom mental, de ne pas mettre d'émotion dans le prénom. On s'est engueulé hier, et lorsque je te vois, je dis, « Charles, je viens de parler. » Si Charles est mental, il va dire, « Bon, mais moi avec Daniel. » Mais, « Charles, la voix est plus mentale. » Ou, « Charles, là, puis d'abord tout. » Alors, il y a donc une possibilité de le faire. Maintenant, ça dépend toujours de l'évolution de celui qui se prend pour le nom, pour le prénom. L'ego est... Quand je parle d'évolution de l'ego, je parle en réalité d'une égoïsation. Plus votre âme, plus votre ego va avoir été démoli, abscissé, plus vous êtes évolué. L'ego est toujours le premier témoin. On pourrait même lui dire témoin que ça, mais il ne le prendrait pas. Ensuite, le mental rectifie. Est-il possible que le mental soit le premier témoin, même si l'ego est toujours là? Non, l'ego est le premier témoin. La seule chose qu'il y a, c'est que l'ego, l'âme, se sert du mental, de l'intellect pour rectifier. Chose certaine, c'est qu'il faut faire attention. Le plan mental, le plan supramental, le rectificateur, l'ajusteur de pensée a l'information bien avant l'ego. Mais il n'a pas conscience de cette information parce qu'il est instantané, il n'est pas mémoriel. Donc, l'observateur du point de vue de la mémoire est premièrement l'ego, l'âme, et n'est exclusivement que l'ego. En deuxième va venir le corps vital et en troisième le corps physique. À la longue, on peut, à force d'observer d'une façon problématique certaines choses, avoir un ulcère d'estomac, avoir un problème respiratoire, avoir un vieillissement corporel, avoir une fatigue prématurée, etc. Bon. Maintenant, le plan mental, le plan supramental a les formations avant, sauf que s'il n'a pas suffisamment de densité, s'il est trop subtil, ce qu'il communique à l'ego ne dit rien à l'ego. Il ne contrôle pas suffisamment le thalamus ou l'hypothalamus dans l'expression amique corporelle. S'il ne contrôle pas suffisamment, l'information n'est pas assez colorée. C'est comme si j'ai mis un gallon de peinture blanche et je prends un micron de colorant bleu, je le mets dedans, je brasse tout ça, ça va rester blanc. Ce sera plus blanc, ça va être un blanc bleuté, mais il n'y a aucun œil qui va pouvoir voir la nuance. L'ego ne le voit pas non plus. Et à la longue, lentement, l'ego expérimente cela, mais dans l'expérimentation, l'observateur, celui qui en prend conscience du point de vue mémoriel de l'ego, va ramasser l'information qui arrive de l'événement, la coloration qu'il a voulu lui donner, la rectification du point de vue de l'ajusteur de pensée, et il va dire « Ah, ça y est, je vois et ça me fait moins souffrir. » C'est tout. J'amuse. Les Raéliens disent qu'un homme ou une femme nouvelle sont immortels. Les Raéliens ne disent pas...